soir dans Pop and Rock, on va se baigner dans la musique de mon pote Steph. Non, pas Steph Saunier de Canal+, mais mon vieux pote de lycée, originaire de Rigny et aujourd'hui habitant de la région de Pau. C'est donc par procuration qu'il sera avec nous à travers une première quinzaine de ses titres préférés, comme à l'instant The Headmaster Ritual de son groupe fétiche The Smiths. Et Dixit, Steph, allez, je vous lis ce qu'il m'écrit. The Smiths, c'est le groupe qui a inspiré une très grande partie de la pop anglaise dans les années 80-90. La voix de son maître Morrissey et la guitare affûtée de Johnny Marr. Au départ, Steph avait choisi Panic sur l'album Live Rank, mais il a eu pitié de moi parce que Momo, autrement dit Morrissey, doit dire une trentaine de fois Hang the DJ. Il a donc finalement opté pour le premier titre de ce deuxième album qu'il adore et qui est pas loin de valoir The Queen is Dead. Et on enchaîne tout de suite avec les Souris des Champs, The Pale Mites, sans aucun doute le groupe le plus connu du fameux label indépendant Sire Records, spécialiste de la pop romantique dans les années 90, avec son tube pour le coup plutôt rythmé de 1989 et sa fabuleuse ligne de guitare finale. Is the price that I Price, et on reste maintenant encore un peu dans la matrice des Smiths, puisque pour le troisième titre choisi par Steph, bon, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un dénommé Brian. Non, c'est pas un dénommé, c'est le nom d'un groupe. Alors, ce sont des Irlandais, et on écoute un morceau qui s'appelle You Can Call Home, titre du premier et avant-dernier album de Brian, avec la voix d'un dénommé Ken Sweeney, qui depuis, semble-t-il, est devenu journaliste. On écoute donc Brian. Aside. Brian, merci à Steph. Et franchement là, ça sentait vraiment les Smiths. Peut-être que ça va encore sentir les Smiths pour le groupe suivant, un groupe que vous connaissez certainement, le groupe c'est Pulp. Le chanteur, vous le connaissez aussi je crois, c'est Jarvis Cocker, avec des textes très satiriques, un peu déjantés sur scène, différents, mais tellement classe. On écoute donc Common People, Pulp. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're dans Pop and Rock sur RVR pour une soirée britannique orchestrée, écrite par mon pote Steph, qui nous propose un retour dans les années 80 avec le groupe The House Martins, un groupe anglais engagé contre la politique de Margaret Thatcher. Steph alors, moi aussi. Perso, j'aurais plutôt choisi Flag Day. Steph nous offre ce soir Happy Hour. Pour la petite histoire, le chanteur s'appelle Paul Heaton. Il fonda par la suite un groupe qui s'appelle Beautiful Thoughts. Mais pour l'instant, on reste avec The House Martins, Happy Hour. It's happy hour again. I think I might be happy if I wasn't. what a good place to be. Don't believe I just speak a different language and it's never something all again. Don't believe I, oh no, cause it's never something all again. Like they will land upon the knees, where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, then you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe I, cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe I, oh no, cause it's never been happy for me. What a good place to be. Don't believe I speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe I, oh no, cause it's never been happy for me. Don't believe I, don't believe I, don't believe I, don't believe I, something are again and again and again. Something are again and again and again. Something are again. Allez, on enchaîne sans transition avec le groupe de Tim Both, un groupe qu'on a déjà écouté dans Pop and Rock. C'est le groupe qui s'appelle James et le morceau c'est Laid. Je crois que ça date de 1993. Sorti des années 90 de James, ce groupe de Manchester qu'on vient d'écouter, on vient vers un groupe plus récent, une bande de Canadiens complètement déjantés d'après Stéphane. Stéphane adore, c'est un groupe génial pour lui, gros regret, il ne les a pas encore vus sur scène, d'ailleurs moi non plus. Le groupe c'est Arcade Fire, le morceau c'est Rebellion. Thank you. Phoenix, groupe français qui marche énormément aux États-Unis et au Japon. Allez, nous, on retourne au Manchester, qui était devenu à l'époque Manchester, pour écouter le groupe qui a inspiré toute la scène mancunienne, des Stone Roses aux Charlatans, voire à Oasis. Et puis, histoire de se rappeler les fameuses soirées de la fin des années 80, du début des années 90, du Toys Club rue Saint-Georges dans le Vieux-Lyon, on écoute Alléluia de Happy Mondays. Allez, moi je vais vous le dire, c'est pas forcément le morceau de la playlist de Steph que je préfère. Mais on s'en fout, ce soir, c'est la playlist de Steph. Thank you. est bien dans Pop and Rock et dans Pop and Rock et Rock. Donc on va partir maintenant sur une tendance de la playlist un peu plus rock de Steph. On va écouter un groupe français, ouais, qui chante pas en français, ouais, qui existe plus, ouais. C'est peut-être dommage, en tout cas, Steph nous dit c'est très dommage. Ce sont des Parigots, un groupe des années 2000 formé par les frères Mazurel, influencé entre autres par la musique de Nick Cave. On écoute donc Jack the Ripper. The supermarket, I kill them all, the love songs on the radio. Looking at junk food, I start to cry. I've got the anorexic blues, but I don't know what to buy inside this house. Water into wine. Don't you try to hit me just a little bit. Why all I eat comes out as vomit and turns into that shit. Christ. East. enfin un groupe de filles, c'était les Throwing Muses. Les... Je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Steph, t'es chiant, c'est compliqué ça à dire. Groupe dans lequel on retrouve une habituée de pop and rock, Christine Hirsch. Mais trêve de féminisme, on enchaîne avec les Australiens des Go-Betweens, avec You Can Say No Forever, extrait de leur meilleur album, d'après Steph. You can have hearing loss when your boyfriend says his boss is scared of a new endeavor. What can be tempting you? Who can be tempting you? You look like a winter. You can't say no forever. You can't say no. Presque 52 minutes de musique déjà avec Steph et j'ai encore plein de titres à vous passer. Bon bah je crois qu'il faudra faire une deuxième voire une troisième émission avec les playlists de Steph. Là tout de suite, on va partir avec un groupe qu'on a déjà écouté dans Pop and Rock, un truc que j'adore. L'album c'est Fisherman Blues, l'année de sortie c'était 82. Le morceau c'est A Girl Called Johnny et le groupe c'est Watch Your Boys. We'll be right back. Et malheureusement, il nous restait 3 morceaux à choisir dans la playlist de Stéphane. Donc pas de soucis, on refera une émission spéciale Steph. Et pour se quitter, donc j'ai choisi Under the Trees, un des groupes préférés de Steph. Il les a vus plein de fois en concert. Il me l'a écrit 2 fois à Lyon, 1 fois à Grenoble, 1 fois à Toulouse, 2 fois à Paris. Une belle voix, une guitare, une basse. Il a jamais compris pourquoi ce groupe m'avait jamais vraiment accroché. Ils sont toujours actifs depuis 80, une quinzaine d'albums. C'est un groupe atypique et plutôt méconnu des frères Jones. Simon au chant avec sa prestance sur scène et Justin avec son jeu de guitare. On pourra d'ailleurs les retrouver, si tout va bien, le 1er novembre à la Maroquinerie à Paris. Il y sera. Moi, j'y serai peut-être aussi. En tout cas, si le Covid le permet. Et puis, merci encore à Steph pour les jolis textes qu'il m'a écrits. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. Et puis, pas de soucis, on retrouvera Steph pour une prochaine émission. Each explosion bounces from horizon to horizon, from horizon to horizon. And for a while, the slow pulse boy stood by the window and let the fire sink into his skin. Again, all was still, but for the empty tin rolling up and down the gutter on the breeze. We'll be right back. standing very close. I could live in the space between his heartbeats. Outside, the furnace erupts again. And dark red rivers filled our veins with frenzy.